Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahu Allah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. 24e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن والاه أما بعد. طيب ندخل مباشرة في الدرس. إن شاء الله. بعنوان في المسجد افتح الكتاب من الوحدة السابعة الدرس الرابع وعشرون والكتخيم أين تصلي تصلي فصل المضارع تصلى يصلي المحظور الصلاة صلى يصلي صلاة صلاة بك أليس لك؟ نعم في الصلاة الصلاة في الصلاة طيب الكلمات الجديدة وحده أبدا lui tout seul quand tu dis وحدك c'est toi tout seul وحدي c'est moi tout seul avec le domir que tu mets derrière on voit qui tu vises juz'un c'est une parcelle une partie juz'un une partie une parcelle ça peut être un morceau aussi al-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ce prophète معروف جماعة جروب جماعة جروب وعليك صلاة آمن يؤمن بس يقوى آمن يؤمن يقوى إيه اسم فاعل مؤمن إيه بيجي ده اسم فاعل سي مؤمن مساجد معروف جم مسجد دعا يدعو invoqué que ceci est donc du معنى appeler ça peut aussi avoir le sens de appeler ou inviter صلى يصلي on l'a dit auparavant فلا صلاة entre parenthèses صلى الله عليه وسلم تنبيه صلاة الله على نبيه Quand Allah il fait la salle sur son ami, c'est les, en fait c'est les éloges. L'imana al-thana. L'imana al-thana. Allah al-nahiya, elle va venir dans le texte, c'est Allah qui a pour sens l'interdiction. Qui a pour sens d'interdire une chose. Et c'est un harf jazm. Donc le fi'l qui vient derrière, les majzoum, le ra'oun sukoun, ou ce qui remplace. C'est comme ça qu'on différencie entre Allah al-nahiya. Et l'al-nafiya, c'est avec la harakat qui est à la fin du verbe. Celle-là, elle a un travail sur le verbe. Vous voyez, elle a un travail sur le verbe. Vous voyez, al-nas annana Muhammad wa Abdullah. Ikra Muhammadan anta wa anta Abdullah. أنت محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجميع صلاة الجماعة. لا. جماعة. نعم. صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين وعشرين جزءا. Okay, dit le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que la salat en groupe est meilleure que la salade de l'un d'entre vous, tout seul, de 25 degrés. 25 parties, on va dire. Ça, c'est un hadith d'Abi Huraira qui est venu. Et bien sûr, là, ce hadith, à la base, concerne celui qui fait salade chez lui tout seul avec une excuse. C'est pas genre, ouais, je fais salade tout seul, et si je fais en groupe, c'est mieux. Non, salade tout seul, quand tu n'as pas d'excuse, c'est interdit. Tu es obligé de faire ça en groupe. Et elle n'est pas acceptée ? Il y a Cheikh Hassan qui dit ça, mais l'authentique, c'est qu'elle a accepté. Ah. Elle a accepté, seulement tu commets un grand péché. Et c'est ça que Shabbahou bin Nissa. Il dit le Cheikh Yahya, il a fait un tambi là-dessus que faire la salade tout seul à la maison, sinon son nom c'est avec la femme. Parce qu'à la base, c'est la femme qui fait la salade à la maison, et l'homme, lui, est obligé d'aller à la Jama'a. Et parmi les preuves de l'obligation, c'est que le prophète Mohammed, il a dit, j'étais sur le point de mettre quelqu'un à ma place pour prendre le poste de l'imam et qui mène la salade pour les gens, et moi je vais chercher avec un groupe d'hommes des fagots de bois pour brûler les maisons sur ceux qui prient chez eux, font la salade chez eux. Vous voyez, donc ça prouve quoi? Celui qui salade chez lui et qui n'a pas d'excuses, c'est un grand péché, à tel point que le prophète sallam était prêt à brûler lui et sa maison. Ça, c'était les servants religieux, c'était peut-être avant. Brûler lui et sa maison. Ah, ouais. Ça, les servants disent ça. C'était avant qu'il y ait l'interdiction de brûler. Parmi les interprétations du hadith, il me dit ça. Donc, c'est pour dire que c'est pas simple, c'est pas rien. Celui qui s'arrête à la maison sans excuse. Moi, j'ai une question. Mais c'est pas forcément mosdid, c'est jama'a. Si tu n'as pas de mosdid, mais tu as un groupe de frères, vous pouvez être ensemble à salat. En France, vu que les gens ils travaillent, c'est, et ça c'est pas une excuse pour la salade. C'est-à-dire ça, le fait que tu l'as fait chez toi à cause du travail. Là, le travail que tu as, il est haram pour toi. Si tu empêches de faire ça à ton jamara, du fait qu'il y a une jamara, je parle, hein, il y a une jamara qui est présente, et tu ne l'as fait pas à cause du travail, le travail t'es pas obligé de le faire. Maintenant, c'est un travail que tu n'as personne, il est loin de tout le monde, ça c'est autre chose. Tu vois, c'est un travail qui est loin, il n'y a pas de musique à côté, il n'y a pas de frère. Et je déconseille fortement un frère de faire un travail là où il n'y a pas de frère, parce que bah, tout seul avec les koufars, ils vont prendre un coup. Mais le host, s'il y a une jamara ou il y a une musique à côté, ou du coup, il est obligé d'y assister. Maintenant, s'il ne peut pas, il ne faut pas qu'il fasse le travail. Le travail n'est pas permis à ce moment-là. C'est-à-dire s'il a fait tout seul dans son entreprise, là. Et qu'il a la possibilité de faire une jamara. Ah, s'il a la possibilité. Alors, donc il dit le meilleur, al-afdal, c'est le meilleur. Ivan, an-nusaliya jama'atan fil masjid. Donc le meilleur est que nous fassions un salat en groupe au masjid. Et ça c'est même afdal, c'est wajib. C'est plus que afdal, c'est wajib. Non. Pour celui qui a un masjid, bien sûr, près de chez lui. Sur l'image, ce n'est pas les bons exemples qu'il doit donner. Non, sûrement pas. Inch'Allah, on dit qu'il fait de nafila, là. Hein? On trouve une excuse. Ouais, il donne là, ça voudrait dire quoi? Donc. Donc. Non. Des fois, c'est alors, non? Des fois, ça peut être alors. Ouais, c'est dépendant. Hein. Alors. Mais là, on peut dire les deux. Donc ou alors. De toute façon, les deux se ressemblent même en français. Ouais. Taïb, awalan istami wa raddid. Et tu seul lis, fais roule fatigue, fais-tu la salade dans ta chambre. Donc là, c'est un tas. Et tu seul lis, fais roule fatigue. Donc là, on parle à une femme. Est-ce que tu fais la salade dans ta roule fa? Regardez, il y a un truc qui va arriver par rapport à après. À la base du verbe, sallayu salli. C'est le côté qui écrit bien, celui-là. Vous voyez, le salli. Le yé fait partie du verbe. Maintenant, quand on va accrocher un damir, comme là, le yé mouannas al-mukhatab, ou le jama'a, et bien cette lettre-là, là, le yé il tombe. Par exemple, tu vas dire hum. Le salloun. Le yé il tombe. Pourquoi? On va avoir un ya et un waou. Les deux, ils sont sakines. Donc on enlève celui du verbe. Parce que celui-là, c'est un dhamir, on ne peut pas enlever. Donc je dis, il faut le loun. C'est celui qui, en fait, qui rapporte. Voilà. Pour qu'on sache. Pareil, avec un titou solline, on va se trouver quoi? Avec deux ya. Le ya du verbe, celui-ci, et le ya le mukhatab. Celui-ci, c'est un dhamir. Celui-ci, ça c'est pour la femme ça. Ouais, donc on fait quoi? On vient en venant des deux, on enlève celui du fi'l. Et le dhamir il reste. Ça c'est pour tous les verbes qui finissent avec hafa'illah, ou un ya, ou un waou, ou autre. Quand il va être contraint à se retrouver attaché à un dhamir comme le ya mukhatab ou le waou jama'a, eh bien, la lettre du verbe, c'est qu'on enlève. La hafa'illah taskout. Hatta la yaltaqiya sakinan. Pour faire que deux lettres sakin se rencontrent. Par contre, avec le. Comment ça va venir là? Avec le alif et l'isnain, il reste. Avec le alif et l'isnain, comme ça va venir, il reste. Voyez. Parce que pour ça, on dit être seul lin, il y a un seul ya. Et ce ya là, celui-là, c'est le ya mouanas mukhataba, c'est damir celui-là. Et le ya du verbe, on l'a enlevé. Falifan. Et tout seul yani, ferul fatikuma. Celui-là, on y fait les semaines. Alhamdulillah, la commune. Donc là, celui-là, le ya là, le alif afon, on peut le mettre. Le alif, on peut le mettre. Et on met une fatha sur le ya. Donc tu dis, qu'est-ce que tu as à tout seul yani. Vous voyez? Donc là, le ya ne tombe pas. Juste on rajoute le alif. C'est tout. Et on met une fatha. À tout seul yani, virou fatikouma. Ça, c'est spécifique au. Alif. Non, il peut suivre celui-là. Donc est-ce que vous faites la salade tous les deux dans votre chambre? Rabian, à tout seul luna, virou fatikoum. Faites-vous la salade dans votre rulfa. Donc là, comme on a dit, le ya on l'a enlevé. Le ya on l'a enlevé. À cause du waou jama'a. On dit est tout seul ou non. On ne dit pas tout seul yuna. Khamisan, est tout seul lina. Fi rulfa tikunna. Donc attention là, le ya, c'est le ya du verbe. Et le nun qui est à côté, c'est nun niswa. Damir, muttasil. Est-ce que vous faites la salade, c'est-à-dire à des femmes, dans votre champ? Sadisan, ayusolli fi rulfatihi. Est-ce qu'il fait la salade dans sa rulfa? Dans sa chambre? Sabiran, ayusolli fi rulfatiha. Là, c'est hiya. Hiya. Faminan, ayusolliyani fi rulfatihima. Est-ce que tous les deux font la salade dans leur chambre? Tasian, ayusolluna fi rulfatihim, font-ils la salade dans leur rulfa? Ashiran, ayusollina fi rulfatihinna, est-ce que elles font leur salade dans leur rulfa, dans leur chambre? La loun, c'est nous le disons, Daniel. Ashiran, ou Hadi Ashar, huma yusolliyani fi masjid, eux deux font la salade dans le masjid. Thani Ashar, هم يصلون في المسجد يفون الصلاة في المسجد ثالث عشر هم وهن يصلين في المسجد أحيانا يفون الصلاة في المسجد de temps en temps. أحيانا c'est parfois. أحيانا c'est parfois. Pas souvent. لا souvent c'est غالبا. غالبا أيوة أحيانا c'est des fois. Pourquoi est-ce que la salade au masjid pour la femme c'est pas obligatoire et la salade dans sa maison est bien meilleure pour elle. Thaniyan, ça c'est le mudariya qu'on a pris. C'est le mudariya qu'on a pris du verbe salat yusalli. Maintenant il va venir avec le mardi passé. J'ai une question. Des fois on me reprend, quand j'ai on me reprend et on me dit par exemple un verbe c'est un verbe. Des verbes comme ça. Waouh, wow, Alif. Ouais, j'avais un livre là, le singe, puis j'ai lu des verbes sur cette forme. Et là, je les prends de là-bas, là, on dirait sur le bon. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Ils sont conjugués, peut-être. Ils sont conjugués au passé. Si, c'est celui qui est attaché au Jama'a, au Mardi ou à l'âme. Ça, c'est le Moudal, il a fait là. Thaniyan, Istami ou Raddin. Écoute et répète. Ana solleitu fil masjid. Donc j'ai fait la salade dans le masjid. نحن صلينا في المسجد. أنت صليت في المسجد. أنتما صليتما في المسجد. أنتم صليتم في المسجد. أنتن صليتن في المسجد. هو صلى في المسجد. في المسجد. هما صليا في المسجد. Donc là, on rajoute le alif à l'isnaïn. Sallaya ou sallaya? Sallaya. Sallaya. Avec le fatha. Tasi'an. Huma, là c'est deux femmes. Sallayata fil masjid. Là, il y a le bintan. C'est pour deux femmes. Ashiran. Hum. Sallu fil masjid. C'est ça dont tu parles là? Ouais, c'est ça. Le alif, comme au jama, tout seul, il vient toujours. Mais ça, c'est à l'écrit, ça. Je ne le prononce pas, bien sûr. Et là, pareil, pourquoi on n'a pas dit on a enlevé le ya? Pour les mêmes raisons que le mot d'Aliya. Vous voyez, pour les mêmes raisons. Taïb. Hadi Ashar, Hunna, Sallayna, fil masjid. À la base, c'est Salla, comme on a dit, Salla. Et lorsqu'il s'attache à un damir, le alif, il se transforme en ya. Tu dis sallaytu. Vous voyez, sallaytu. Thalithan, yakul, stabdil kama fil namoudhaj. Yakul, ana, ou salli, fil masjid. Ensuite, il veut mettre avec Damir Hua, Hua ou salli fil masjid. Mala sahl. Tfaddal al-awwal. Hiya. Hiya, tu salli fil masjid. Naam. هما هما يصلان لا ليه يست يصليان في المسجد. نعم هم هم يصلون في نعم في المسجد. هن هن يصلين في المسجد. يبدأ فتحة الفتحة في اسم ماضي. يصلينا. يصلينا. نعم. أنت. أنت تصلي في المسجد. أنت. أنت تصلين في المسجد. أنتما. أنتما يصلي. لا. أنتما. سبيا. المخاطب. نعم. أنتما تصلين. لا. أنتما تصلينا. لا تصلينا. تصلينا. لا مش معاك. ولا بقى جوست رجعت عندي فهمون تصلاني. لا يعني أنا أضيف جوست أضيف. أيوة تصلياني فقط في المسجد. أنتم أنتم تصليون في المسجد. لا يصل تصلي اليوم ما تصلون في المسجد. نعم نحن نحن نصلي في المسجد. طيب رابعا أخي التدريب السابع بوضع الفعل صلى موضع يصلي. on fait pareil là avec le ماضي maintenant. تفضل. Le même, sauf que l'on fait salé au mardi. Hiya. Hiya. Salé. Pas dur. Là. Amdak. Salayat. Salayat. La L tikar sakina, ils ont bien enlevé le lettre. Donc comment tu dis? Sallat. Sallat. On enlève le hadith parce que le tek il y en a rien, c'est sakin. Il y a sallat. Le masjid. Huma. نعم هم صلوا في المسجد نعم هن هن صلينا نعم انت صليت في المسجد انت انت صليت في المسجد انتما انتما صليتما في المسجد نعم انتم نحن خامسا سكنمون املا الفراغات في الجمل الآتية باختيال كلمة مناسبة مما يلي donc mettre les mots dans les trous dans les phrases suivantes وحدك c'est toi seul جزءا une partie المساجد معروف يؤمن il croit النبي le prophète الجمال يا الأولى الحديث الشريف وما قاله فراغ صلى الله عليه وسلم donc le noble hadith c'est celui qui a dit le trou صلى الله عليه وسلم ثانيا الصلاة في الجماعة أفضل من صلاتك فراغ donc la salat en groupe est meilleure que ta salat mais dans le trou ثالثا وأن فراغ لله فلا تدعو مع الله أحدا et certes le trou pour Allah alors n'invoquez avec Allah personne هذا معروف رابعا الذي فراغ بالله يقول خيرا celui qui trouve par Allah dit du bien ou en Allah plutôt dit du bien خامسا محمد يقرا فراغ من القران كل الصباح donc محمد lit le trou du Coran tous les matins ou chaque matin plutôt chaque matin ثم يقول اقرا الايتين ثم اكتبهما في كراستك donc lit les deux versets et écris-les dans ton cahier وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا في سياق المسكين سنت الله نبوك avec Allah personne ça c'est le sens relatif à approcher وإنما يعمل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر et juste se rendre ou plutôt on va dire vivre dans le sens de vivre c'est qui se rendent quoi dans les mosquées d'Allah celui qui croit en Allah et au jour dernier De là, chez les Fatambi, que le hadith qui dit que celui qui vient au masjid, alors témoigne de son iman, que c'est un mu'min. Et le hadith, il est da'if, mais il a une origine, c'est ce verset. Vous voyez, l'origine, c'est ce verset. Donc, « Hadal khamis, l'irad, inshallah. » Donc, taqid, il a « Ad-dars, al-sadis, ou khamis, ou ashrin, bi unwan, ila al-masjid. » Au masjid. الكلمات الجديدة المؤذن المؤذن هو الذي يؤذن طيب ويكفي الأذان نادى ينادي فسي أبلي طيب أبلي كيكيان ولوا العصر معروف الصلاة الوسطى الصلاة الوسطى استعد يستعد سو بريباري se préparer kabbara yukabbiru takbirat al-ihram c'est le fait de dire Allahu Akbar et kabbara c'est le fait de dire Allahu Akbar et takbira c'est l'expression en elle-même et takbirat al-ihram c'est celle qu'on dit lorsqu'on commence la salat le premier takbir quand tu fais la salat c'est seulement bi takbirat al-ihram ركعه معروف ce qu'ils appellent unité de salat ظن يظن c'est penser ou croire, mais dans le sens, yani comme penser, je crois qu'il est malade, avec un doute quoi en fait. Mathalan. Avunu annahu marid, je crois qu'il est malade ou je pense qu'il est malade. Mathalan. Ça c'est le marin d'origine, Taman. Sa'imun, c'est jeûneur. Ismu fa'il, sa'imun, yasumu. Sa'im, c'est celui qui jeûne. Iftar, c'est la rupture. La rupture. Et je veux dire souvent la rupture du jeûne. Al-Iftar, c'est la rupture. Zahir, visiteur. C'est le ism fa'il de Zahir Yazuru. Daris, là c'est le sens de étudiant. C'est le ism fa'il de Darasa Yadrusu. Daris. Un peu malade talib. Rukur, c'est l'inclinaison. Par de la salate, quand tu penches ton buste en avant et tu mets tes mains sur tes genoux. Sujoud, malouf, prosternation. Rafa'a, yarfa'u, rafa'un, ça c'est lever. Lever. Ou élever. L'élève, ça veut dire rafa'a ras, le fait de lever la tête après le rukur. Imamun, ma'ruf. Mu'allimun, ma'na mudarrisun. Et mu'allimun, ma'na mudarrisun. At-tashahhud, hada ma'ruf fi salah. Lorsque tu pointes le doigt et tu fais tahiyyatu lillah ila ghayri dhalika. Intaha, yantahi. Finir, معنى finir. Et intahi, intahi, finir, terminer. Et quand on veut dire à quelqu'un finis ça, tu utilises ce verbe-là ? Tu veux dire akmil plutôt. Akmil. Al-musalli, c'est l'ism fa'il de salli yusalli. Donc c'est celui qui fait la salat. Ism fa'il. Juloussoun, Adam Mosdor, Jalassa, Yajlissou. Donc, le fait de s'asseoir. Waqafa, Yaqifou, c'est se tenir debout ou s'arrêter. Waqafa, Yaqifou, se tenir debout, s'arrêter. Et parmi El Ta'biyarat, tout en bas, dans le jadwal, La Ba'sa, pas de mal. La ba'sa, ma'na pas de mal. À peu près. Bon, après, il y a qu'il faut, t'as dit, c'est arrêter. Ou se tenir debout ou arrêter. Ça dépend de la phrase. Tamam, al-an, ma'na al-hiwar. Mohamed, ma'zaltanta Mohamed, ou Abdullah, nefso. Vous êtes les mêmes personnes, inshallah. تفضل يا محمد انا نعم اسمع المؤذن يناجي لصلاة العصر donc j'entends le muezzin appeler pour la salat du asr اذا نستعد للصلاة dis donc nous nous préparons pour la salat mais là normalement c'est نستعد Non, on se nastaïda. Je sais pas que vous nastaïdou. Khair, inshallah. Mohamed. Donc il dit attends-moi jusqu'à ce que je fasse au dos. La hatta, ça peut être le mana jusqu'à ou afin. Vous voyez? Genre attends-moi que je fasse au dos ou attends-moi afin que je fasse au dos. Abdullah. الحمام يمينك كل حمام يا ترغوت انتهيت نعم. من الوضوء حيا الى المسجد donc il dit j'ai fini de faire le dos allez on se rend au masjid là il n'y a pas écrit nazab mais C'est sous-entendu, tu vois. Hayya al masjid, allez au masjid maintenant. Comme tu vois, j'ai fini l'odo. J'ai fini l'odo. Abdullah, ayah. أسمع الإمام يكبر يكبر أظنه كبر تكبيرة تكبيرة الإحرام. Donc il dit j'entends l'imam faire le takbir. طيب أسمع الإمام يكبر أظنه je le pense, c'est-à-dire l'imam كبر تكبيرة الإحرام. Je pense qu'il a fait le takbir, طيب de l'Ihram, de celui de la rentrée en salat. لا المصلون في الجلوس تشاهد الأول. Donc il dit non, les musallous, c'est-à-dire ça c'est le jam de musalli, musalloun, ceux qui font la salat, sont dans l'assise du premier tashahhud. إذن انتهت. انتهت. إذن انتهت. انتهت الركعة ركعة الثانية. Il dit alors, cela signifie que la deuxième raka'a vient de se terminer. Mohamed Labas. Nabda'u ma'ahum min raka'ati thalithati thalitha. Thalitha. Thumma nakmilu salat. Thumma nakmilu salat arba'a raka'ati. Donc il ne dit pas de mal. On commence avec eux. Nabda, c'est bada, c'est commencer. On commence avec eux depuis la troisième raka'a. Ensuite, on complète la salat avec quatre raka'a. Toyeb. Awalan, istami ou raddid. Là, on apprend le quoi? Le mudari de kabbara ou kabbiru. Al muslimu yukabbiru li salat. Et kabbara, c'est un ruba'i. Quatre lettres. Donc commence par you, il y a une kasra ou rafa. Al muslimu yukabbiru li salat. Donc le muslim fait le takbir, et dit à la wakbar pour la salat. Alors c'est pas que kabbara, afwan. C'est pas que kabbara seulement, non, l'exemple. On a d'autres. Al muallimu yudarrisu at talaba. Donc l'enseignant, toyeb, enseigne, ou le professeur enseigne aux étudiants. Darrasa, c'est le fait d'enseigner, de donner un dersa. Al-muhandisu yarsumu al-khalita. Donc l'ingénieur ou l'architecte dessine. Rasam yarsumu, c'est dessiner. Il est dessiné. Al-khalita, la carte. Rabi'an, al-muwazzafu ya'malu fil funduq. L'employé travaille dans l'hôtel. Khamisan, al-musafiru yahjizu lil safar. Donc le voyageur réserve pour le voyage. Thalithan, al-sa'imu yatanawalu al-iftar. Le jeûneur prend, on va dire, le repas de rupture à la base. Ça c'est huwa. Là en fait, le but c'est tasrif al-fi'l mudari' bi huwa. Le fait de conjuguer un verbe mudari' avec huwa. Maintenant, on va sur la même chose avec huma. Al-muslimani yukabbirani lis-salah. Donc, les deux musulmans, vous voyez, font le takbir pour la salah. C'est le même verbe, la même phrase, sauf que là, maintenant, c'est avec huma. Et dans le verbe yukabbirani, un al-fa'il, c'est l'alif. Vous voyez, le fa'il, c'est l'alif, c'est le premier. Thaniyan, al-muallimani yudarrisani al-talaba. ثالثا المهندسان يرسمان الخريطة رابعا الموظفان يعملان في الفندق خامسا المسافران يحجزان للسفر سادسا الطالبان نعم الصائمان زي ما نقول صح ليسهم الطالبان الطالبان يتناولان الإفطار. Thalithan, maintenant c'est avec hum, voyez, wa al-jama'a. Al-muslimuna yukabbiruna lis-salah. Dans toutes ces phrases-là, c'est l'oum tala. C'est le domaine. C'est l'oum. المبتدا اللي هو المسلم يكبر للصلاة المبتدا المبتدا يا اوكي دي بيقولتي لا با بيج ايوه C'est le premier nom qui vient au début de la phrase, Marfou. Et le khabar Abdelrahman Le khabar, c'est Yukid Biro, on a le sol. C'est le jumel fi'aliya, non. Le khabar, c'est le jumel fi'aliya qui est là. Dans une phrase verbale, moi je me souviens qu'il n'y avait pas de mutata de khabar. Où la phrase verbale non? Hein? Elle est où? Ben là, c'est une bopo. C'est une phrase de. Ah, ça dit Jumal Fialia, elle dit? Bopo, ouais. Al Muslimoun, Yukabbiroun, Al Salah, c'est Jumal Fialia, là? C'est quoi le Jumal Fialia? Une phrase qui commence par un verbe. Il est où le verbe, là? Ben, il est après. Donc, Jumal. C'est quoi le Jumal Simia? C'est une phrase qui commence par un verbe. C'est quoi que tu as en premier, là? Ah non. Je vais dire, là, ok. Tayeb. ثانيا المعلمون يدرسون الطلبة ثالثا المهندسون يرسمون الخريطة رابعا الموظفون يعملون في الفندق خامسا المسافرون يعجزون للسفر سادسا الكاتبون يتناولون الإفطار ما فيت فوق فش نغير المو شاك فوا لو لا سيزيام فراز كاتب سي اسم فاعل لكل فعل نعم رابعا من نصه هي المسلمة تكبر للصلاة أي هي المعلمة تدرس الطالبات ثالثا الموظفة تعمل في المستشفى رابعا المسافرة تحجز لسفر خامسا الطالبات تتناول الإفطار Ensuite, c'est Huma ou féminin. Vous voyez, Huma ou féminin. Al-Muslimatani tukabbirani l'issalah. Al-Muallimatani tudarrisani al-talibat. Al-Muwazzafatani ta'amalani fil-mustashfa. Al-Musafiratani ta'ajizani l'issafar. Al-Talibatan tatanawalani al-iftar. Maintenant, c'est avec Hunna, Mouannas, Jam. El Muslimatu, le Kabbirna, les Salah. Donc là, c'est avec Hunna Niswa. Thanian, El Muallimatu, le Darbisna, le Talibat. Thalithan, El Muwazzafatu, Yahmelna, le Mustachfa. Rabi'an, El Musafiratu, Yajizna, le Safar. Khamisan, الطالبات يتناولن الإفطار. شوف إذا قام المهندسات ترسمون الخريطة. لوكسي باتاي دو فام الوغ. لو قام دي باتاي دو فام. المهندسات. على بس سي لا ميزو. كي با ميغ تيلات. فنبان. سي لا خيبا. Ça veut dire quoi qu'elle aura appris ça dans une école. Et généralement, les écoles d'architecture, c'est des hommes qui aiment beaucoup. Donc ça amène à l'ikhtilat. La main ajoute. En tout cas, le premier exemple avec les femmes, c'est surprenant et c'est une bonne chose. Enfin, t'es mecs qui fassent d'autres choses comme dans le livre, comme Salam alaikum. طيب. سابعاً يقول حول في النموذج. النموذج يقول الصائم يتناول الإفطار. Après, il faut le mettre en مثنى الصائمان يتناولان الإفطار طيب الجملة الأولى عندك المسافر يرجع من الرحلة لو فواياجور revient de voyage كيف تقول المسافران يرجعان من الرحلة نعم من الرحلة ثانيا المصلي يسجد لله سريك في الصلاة سبوستان بو الله المصلان لا المصليان نعم يسجدان لله نعم ثالثا الموظف يعمل في مكتب البريد l'employé travaille à la poste الموظفان يعملان نعم. في مكتب البريد نعم رابعا الزائر يصل غدا donc le visiteur arrive demain inshallah الزائران يصلان غدا من صغير وصل طيب يصلان نعم خامسا الدارس يعرف الكتابة l'étudiant connaît l'écriture الدارسان يعرفان الكتابة نعم طيب ثامنا حول كما في النموذج المدرس يتناول الإفطار المدرسون يتناولون الإفطار من أنفر جم سليم فخز المسافر يرجع من الرحلة نعم المسافرون يرجعون من الرحلة نعم ثانيا المصلي يسجد لله المصلون يسجدون لله نعم ثالثا الموظف يعمل في مكتب البريد الموظفون يعملون في المكتب البريد الدارس يعرف القراءة لا سي لا ليكتور سي بلو كتابة أيوة نعم الزائر أولا يصل غدا إن شاء الله الزائرون يسيلون غدا إن شاء الله الدارس يعرف القراءة بس بلو كتابة سي قراءة الدارسون يعرفون القراءة نعم طيب Oui, c'est simple, tu vois, c'est pas... Il y en a beaucoup, mais ils sont simples, alhamdoulilah. Tasi'an, adib, an asilatil atiya min al-hiwar. Donc, réponds aux questions suivantes depuis le texte. Alors, c'est qu'on ira d'in. C'est n'akura l'asila, hatta takun wadiha l'il-jamia. Awalan, man samia al-muazzan yunadi l'is-salah. Qui a entendu le muazzin appeler à la salat? ثانيا من أية ركعة بدأ محمد وعبد الله الصلاة. Donc de quelle ركعة؟ À partir de quelle ركعة؟ محمد عبد الله ont commencé la salat. Et là أية avec le تمربطة c'est le même que أية. Et merci. ثالثا كم ركعة صلاة العصر؟ Combien de ركعة dans la salat du عصر؟ رابعا أيهما الأول؟ Lequel des deux est le premier؟ الركوع أم السجود؟ الكنيزون ولا بوسانسيون؟ ب السجود أم الجلوس؟ لا بوسانسيون ولا سيس؟ تمام عاشرا حول كما في النموذج المريضة تتيمم للصلاة العاقل متى مصنى المريضتان تتيممان المريضتان تتيممان للصلاة donc les deux malades font tayammum pour la salat طيب المعلمات تركب الحافلة l'enseignante monte dans le bus كيف تقول المعلمتان تركبان الحافلة نعم ثانيا الممرضة تساعد الطبيبة donc l'aide soignante ou l'infirmière aide le médecin femme الممرضتان تساعدان الطبيبات نعم ثالثا الطبيبة تعالج المريضة بإذن الله donc le médecin femme soigne la malade femme également طبيبتان تعالجان المريضة. طيب إيش يوم المريضة ومثنى كيف تقول؟ مريضة وفمينة. ومثنى. ومثنى. كيف تقول؟ مريضتان. مريضتان. المنصوب. تعرفوا لما قول به له. المثنى قد منصوب كما إلى مريضتين مريضتين طيب رابعا Darisatu tata'allamu al-lugha al-arabiyya. Donc l'étudiante apprend la langue arabe. Darisatani tata'allamani al-lugha al-arabiyya. Khamisan az-za'iratu tushahidu al-manazir. Donc la visiteuse contemple les paysages. الزائرتان تشاهدان المناظر. طيب الحادي عشر حول كما في النموذج. دونك مانو يقول لي مات مونس جم ريبريف منا. مثلا المريضه تتيمم للصلاه ستقول المريضات يتيممن للصلاه. مثلا فرانسي الاولى المعلمات تركب الحافله. المعلمات عندك الممرضات نعم يساعدنا المريض. نعم المريضة وليس نعم باتوا سيئوا لليف لا كيف يكسف لهم فون لا هذي يزون بيان فيه لا يكمنس لمت لإنفاميرا اكلي مالاد ام هو Allah. Allez, je vais commencer là, je sais pas, peut-être allez, on va dire une scénario d'impression, Inch'Allah. L'autre une excuse. Bon, en Daroura, c'est faisable, mais bon, là on n'est pas qu'à Daroura, tu vois. Exercice, il y a plein de choses comme il faut. Fais les fans. Non. رابعة الدارسة تتعلم الكتابة. Donc l'étudiante apprend l'écriture. الدارسة يتعلم الدارسة يتعلمنا نعم يتعلمنا الكتابة كتابة نعم. خامسا الزائرات تشاهد المناظر. الزائرات مشاهدنا المناظر. نعم. طيب. يا سي كوا سي سا سي لا كونجوغيزون ان فيت لا. نعم. بابا بروبليم تو دومير كوسمونو. بابا مبتدا. الثاني عشر اكمل كما في النموذج. كما نقول ابراهيم يصلي العصر. Entre parenthèses, il veut qu'on mette Fatima. Fatima, tu solli et l'asr. Donc là, en fait, c'est que tu solli, il faut mettre avec le domir ou ce qui est entre parenthèses. Awalen, Fatima, tu solli et l'asr. Nous veut être taliban. Qu'est-ce que tu as cool? Taliban. طالبان يصليني لا تخرج دسوية النون الألف النون عفوا يصليني لا tu restes le même verbe tu rajoutes un alif et un nom. Naam yusaliyani al asr. Naam al bintani. Al bintani yusaliyani. La tusaliyani. Naam rabi'an al talaba jam talib. Al talaba نعم ايوه سي سي تولا صبل له لون ايوه صار له يسالني Tu l'avais là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu l'as rentré, t'as ressorti un autre. Il était là, là. Je sentais le dire là. Allez. Attends là-bas. C'est quoi le dernier qui fait bien Room quand tu l'attaches à un fiel? Hein? Il est, Talif. C'est lequel le dernier? C'est le waouh, non? Khalas! Yusallu! Aïe, ouais, c'est ce que tu m'as donné avec. Ça me doit, hein? Aïe, ouais, Yusallu! Al-Asr. At-Talibat! At-Talibatu! Yusallayna al-Asr. Là, qu'il n'y a pas de fatha. Yusallina. Yusallina al-Asr. Naam. Ana! أنا أصلي نعم العصر أنتم أنتم تصلون العصر المهندسون في منك طلبة المهندسون أيوة المهندسون يصلوا العصر يصلون يصلون شكرا خالد نعم نحن نصلي العصر Ah, regarde, trois fois de le même là, machallah. C'est vraiment. T'as les asbabs pour vraiment le réussir celui-là. Allez, vas-y. Hum, c'est le même. C'est le même que t'as là-bas, là, comme on dit ça. C'est le même, mais pas de différence. Aya, cool. Hum, yusam nous. Non, c'est un lem, c'est pas un don. Salle. C'est un lem. C'est pas Yusuf. Lem. Toi, t'as dit un nun, toi. À la place du lem, dans le verbe. C'est pas un nun, c'est un lem. Yusuf. Aïe, quoi Yusuf, nous. Yusuf, nous, c'est ça. Là, justement, t'as mis. Pourquoi tu mets un nun? C'est un lem. Yusuf. C'est pas Yusuf. Yusuf, ne. Aïe, t'as pas dit lem, t'as dit un nun, toi. Yusuf, nous, t'as dit, toi. Non. Si, c'est pas ce que t'as entendu, toi? J'ai entendu ça. Allez, ouais, on entend bien nous. C'est fait où? Allez, dis-le. Room, Yusol. En fait, nous. Tu vois, t'as dit nous encore là. Yusol, nous. Là, pourquoi tu mets nous après le lem? Après le lem, directement le wow. Ah, Yusol, nous. Yusol, nous. Yusol, nous. D'où il sort ce nous là? Yusol, nous. Allez, range-le. Ce nous là, range-le. Il a rien à faire là. Wun. C'est même que le talibat. Non. Enta. Enta. Tout seul lit. Non. Enti. Enti tout seul lit, Veras. Et le 13, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Attends, on leur laisse. Ça y est, ben. Salis Achar, 13e mot. Imel Farahad, du Kalimat il Munasiba. Donc là, ça vous trouve les mots de vous-même et compléter les phrases. Adal Yirad, Inch'Allah. Nakral le Jumel, Hatanara, Annakum Fahim Tumuha. Le sol les Muslimouna fi. Le mot à mettre. Thanian, Yakul l'imam, Ander Rukur. Qu'est-ce qu'il dit l'imam? Là, vous mettez la phrase qui dit l'imam, un d'un recours. Au moment où il fait recours, qu'est-ce qu'il dit? Salisan, solat, farah, afdalu min solat, ahadikum, farah. Donc la salat, kada kada, est meilleure que la salat de l'un d'entre vous, kada kada. Rabian, el muazzilu, farah, dis solat. Donc il faut l'appeler la salat, la salat. Khamisan, yakra'u, farah, khutbat el jumu'ah. Donc, quelqu'un récite la khutbah du Jumu'ah. Sadisan, Farah, Yaqifu, Nakhalfa, l'imam. Donc là, c'est Waqafa, Yaqifu, c'est venir se tenir debout là. Donc là, il y a un mot à mettre, tu vois, c'est debout derrière l'imam. Sabi'an, Intaha, Abdullahi, Farah, Al-Wudu, I. Tabi'u. Donc Abdullah a terminé, Al-Wudu. Faminan, ista'adda Muhammadun as-salah. Donc Muhammad s'est préparé la salah. Tasian, zahaba Muhammadun wa ila al-masjid. Donc Muhammad et ont été au masjid. D'accord ? Donc c'était long, mais c'était simple, comme je l'avais dit. Il n'y a pas tout vraiment. Après quelques fois, Walid, comment est-ce qu'on fait qu'un verbe qui est mortel à rire, celui qui a à la fin, comment on fait lorsqu'il y a Wawal Jamara qui vient, ou un Lifalisnan qui vient, ou un Nuniswa qui vient, ainsi de suite. Vous voyez ? Pour demain ? Non, il y en a deux. Je suis là. Les deux sont tous ensemble. Et un, deux, les deux avant. Bah, c'est ça l'habitude, hein. On a toujours trois en général. Ouais, mais... T'as l'impression que tu en as eu beaucoup, mais pas plus que d'habitude. Parce que hier, quand je ne vous ai pas donné, ah, khalas, c'est rentré dans, comme on dit, la main, on mange le bras. Ah, khalas, j'ai compris maintenant, Inch'Allah, comment on va se prendre. C'est des mauvaises habitudes, ça. Inch'Allah, on ne va plus les prendre. Voilà, on a, alhamdoulilah, on a.